explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à l'Evainé. Tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Partir pour un grand voyage autour du monde, au départ c'est un doux rêve que Clémentine Bacry et Adrien Normier se plaisaient à caresser alors qu'ils étaient encore étudiants. Un projet qu'ils se promettaient de réaliser plus tard. Une fois leur diplôme en poche, elle avocate, lui pilote de ligne, ils ne se sont pas dégonflés. Au contraire, leur rêve a pris de l'ampleur. De fil en aiguille, le projet s'est transformé en un tour du monde en ULM avec pour objectif aller aider les scientifiques du monde entier dans leurs études sur le terrain. C'est ainsi qu'ils ont survolé des volcans pour étudier la composition de leur fumée en Indonésie, fait de jolies découvertes archéologiques au Pérou ou encore observer les manchots pygmées en Australie. 14 mois de voyage, 60 000 km parcourus, une cinquantaine de pays traversés. Après tout ça, on aurait pu penser que leur soif de voyage et d'aventure serait étanchée pour un moment. Eh bien non, Clémentine et Adrien ont déjà entamé un deuxième tour du monde à bord d'un hydravion. Cette fois, un long voyage qui devrait s'achever en 2018. Exceptionnellement, ils font escale à Paris pour quelques jours. L'occasion était trop belle, ils passent par notre bivouac, le temps d'une escale. Que c'est beau. Si beau que ça n'a pas l'air vrai. Sur France Inter. Mais vous ne m'écoutez pas, hein ? Vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu. Le temps d'un bivouac. Le temps d'une escale serait aussi pu être un joli titre pour cette émission. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Clémentine Bacry et bonjour. Adrien Normier. Bonjour Daniel. Très heureux de vous accueillir. Vous venez tout juste de publier « Routard du ciel, des ailes pour la science » aux éditions Le Pommier. C'est le deuxième tome de du récit de votre voyage, de ce tour du monde. Le premier tome s'intitulait « Un tour du monde, pas comme les autres ». Également, évidemment, publié aux éditions du Pommier. Et dans ces deux livres, eh bien, vous revenez sur ce grand tour du monde que vous avez effectué à bord de votre avion ultra léger, avec pour objectif d'aller prêter main forte aux scientifiques. Vous en êtes à votre deuxième tour du monde, que vous avez interrompu quelques jours pour passer en coup de vent par Paris. Vous repartirez pour l'Amérique latine dès jeudi prochain. Nous sommes ravis de profiter de ce bref passage. Vous allez nous raconter vos expéditions et vos missions scientifiques aux quatre coins de la planète. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page du temps d'un bivouac sur franceinter.fr ou avec le hashtag bivouacfi sur Twitter. En deuxième heure, nous vous proposerons une promenade en forêt de Brocéliande à la découverte des mythes et légendes qui lui sont associées. Nous aurons pour guide un conteur, Nicolas Mezzalira. Et puis en toute fin d'émission, nous ferons escale à Saint-Malo pour prendre des nouvelles de l'Hermione, magnifique frégate, reproduction du bateau de Lafayette qui a accosté il y a 4 jours. Voilà pour le plan de vol du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne, préparée par Camille Jusio, Claudia Bertram et Mathieu Aoued. Ok, donc là stop, on fait s'arrêter, on a fait ce qu'il fallait, on va évaluer la possibilité ou pas de s'y poser. De se poser là-dedans. Je vais dire, ça n'a pas l'air si long. Hein. Tu trouves ? Moi, je trouve que ça avait l'air long. Mais par contre, il faut commencer ta descente bien avant. Ah ouais. On va voir tranquillement. Mais tu vois, t'as pas mal de plages. T'en as une à droite, t'en as une au fond. Bon, ça marche sans problème. Ouais, on est bon. Ça te va si on se pose ? Pour moi, c'est bon. Alors, on va faire une approche stabilisée de l'autre côté. Ouais. Par contre, en cas de moindre doute, je te dirai mise de gaz, ok ? Oui. Nous étions à bord de votre nouvel avion, votre hydravion. Vous avez troqué votre ULM. Vous étiez venu il y a 3 ans dans cette émission nous parler de votre premier voyage avec cet avion ultra léger. Maintenant, c'est à bord d'un hydravion que vous voyagez. Pourquoi avoir choisi de changer d'avion, Adrien ? Alors, toujours ULM. On était contraints par des problématiques de trésorerie à revendre notre première machine. Et puis, on a eu le courage, la chance de réussir à remonter un projet, donc Des ailes pour la science 2. Oui. Et dans la constitution de ce projet, eh bien, on a pu choisir un nouveau cheval de travail. Ouais. Et ce coup-ci, c'est un ULM toujours, mais amphibie. C'est-à-dire qu'il a des petites roulettes qui lui permettent de se poser sur une piste, ce qui est bien pratique pour le planquer dans un hangar à l'abri des intempéries quand il y en a. Mais c'est avant tout une barque avec des ailes, et ça nous permet d'aller partout. Partout, partout, en tout cas près des côtes, ou alors il faut au moins un lac suffisamment grand pour atterrir. Là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, nous étions au Chili. Clémentine Bacri, vous vous souvenez du paysage? On voit, il faut étudier pas seulement la possibilité d'atterrir, mais aussi la possibilité après de redécoller, parce qu'il ne s'agit pas de rester coincé sur l'eau. Effectivement, je m'en souviens très bien, c'était il y a seulement quelques jours. Ah oui, c'est tout frais. Merci de nous donner la primeur de ces sons. Ah oui, c'est vraiment tout frais. En fait, on travaillait avec l'Université catholique pontificale de Santiago, qui nous avait mandaté pour une mission assez particulière. Ils possèdent en fait une concession qui a été fournie par l'État dans le sud du Chili. C'est une zone qui est complètement inhabitée, complètement vierge. Et pour une raison bien précise, c'est qu'elle est assez inhospitalière. C'est que des montagnes très encaissées, avec de la forêt qui la recouvre intégralement. Et en fait, l'université est chargée de mener des études sur ce terrain, mais c'est un terrain qui est inaccessible. Et donc, ils ont évidemment quelques images satellites, mais avec peu d'informations, parce que c'est vraiment très... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de montagnes, donc avec des zones très ombragées. Et donc, ils nous ont chargés d'aller explorer le terrain, réellement, et donc de fournir toutes les informations photographiques à l'origine qu'on pouvait obtenir. Et on a eu la chance de découvrir, dans le creux de montagne, eh bien, un lac. Et donc, on a eu la chance, comme c'était un hydravion, de pouvoir s'y poser. Et la grande difficulté, c'est tout. Alors, c'est jamais de se poser. On peut toujours plonger assez vite, ouais, d'une certaine manière. Mais la grande difficulté, c'est ensuite d'être capable de redécoller entre les montagnes. Donc, on a fait plusieurs passages de plus en plus bas pour vérifier qu'à chaque fois, on était capable de remonter jusqu'à ce qu'on se dise que c'est bon. Et donc, on a pu s'y poser et bien faire les premiers prélèvements de ce lac. Mais c'est-à-dire que ce lac, personne ne le connaissait, personne ne l'avait vu avant vous, vraiment? Alors, ce lac, il apparaît sur des cartographies radar de la zone. Sur une photo satellite en très basse définition et pas en haute définition parce qu'en fait, on est dans une zone qui est en permanence battue par des vents d'ouest, chargée d'eau après une traversée d'un tiers de circonférence terrestre au-dessus du Pacifique, qui vont précipiter et faire en fait des nuages et de la pluie quasiment en permanence. En ce moment, au Chili, il y a un phénomène, on est à la fin d'un phénomène d'El Niño, et les vents étaient un petit peu inversés pendant la période où on était là-bas, ce qui a libéré le ciel et nous a donné les conditions idéales pour aller s'y poser. Comme il pleut tout le temps, il n'y a pas d'image satellite. Et là, du coup, on savait qu'il y avait une zone avec potentiellement un lac, pas plus d'informations que ça, 4 pixels sur un bout de papier. C'est vraiment la fenêtre météo qui a permis d'aller y voir de plus près. Alors c'est amusant de vous entendre parler avec ces termes scientifiques. On sent que de plus en plus les scientifiques font appel à vous, vous font confiance. Je rappelle quand même qu'au départ, Clémentine Bacri, vous êtes avocate. Adrien Normier, vous êtes pilote de ligne. Vous n'êtes pas de formation scientifique. Comment est venue cette idée de s'acoquiner avec les scientifiques et puis visiblement d'y trouver un vrai plaisir? Alors, l'objectif à l'origine, on a commencé à avoir ce doux rêve, comme vous disiez, dans le cadre de nos études, où on s'était dit que quand on serait grand, quand on rentrerait dans la vie professionnelle, eh bien, on aimerait bien prendre au moins un an pour voyager et être utile et découvrir plein de choses. Donc, découvrir avec des gens qui font des choses fantastiques sur le terrain, qui s'impliquent, qui sont à la fois dans une démarche de découverte et d'apprentissage et de protection. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour être utile dans cette thématique-là. C'était effectivement pas du tout notre spécialité. Et en fait, ça a pris quelques années à se mettre en place. Lorsqu'on a réalisé progressivement, lorsque nos collègues, nos amis sont rentrés aussi dans le monde professionnel, qu'il y avait des gens qui étaient dans le domaine de la recherche et qui nous ont demandé de faire quelques heures de vol localement en France. Ouais. Et on a pu faire ça progressivement jusqu'à ce qu'on réalise qu'il y avait réellement un intérêt, même au-delà du territoire français. C'est-à-dire que la première fois que vous avez aidé un peu des scientifiques, c'était des archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, et c'est un site gallo-romain que vous avez survolé. Ça servait à quoi de faire ça? Alors, Marjolaine de Mulder, qui à l'époque était la directrice des fouilles sur cette zone, nous avait demandé si on pouvait faire des photographies du site de fouilles, parce qu'à l'époque, on testait un petit système qui permettait de faire des modèles numériques de terrain. Le but du jeu, c'était d'estimer la quantité de gravats qu'il allait devoir falloir sortir du site de fouilles. Bref, nous voici sur la zone avec cette ULM pendulaire. On fait des photos et puis assez tardivement, fin d'après-midi, et avec le soleil rasant sur les blés, on s'aperçoit que dans les champs d'à côté, il y avait véritablement comme les plans, vraiment les plans de bâtiments et d'un ensemble de bâtiments, plusieurs. Sous les blés. Sous les blés. Et ça n'avait jamais été observé? Personne n'avait vu ça avant vous? Alors nous, ça nous a surpris parce que ma première réaction, c'était de me dire, mais ils sont bizarres, ils creusent pas dans le bon champ. On prend des photos. Le soir, on rentre tranquillement, on envoie un petit mail avec les photos. Tiens, salut Marjo, voilà les photographies. Il semblerait qu'il y ait des choses dans le champ d'à côté. Le lendemain matin, 6h30 du matin, le directeur des services régionaux de l'archéologie qui nous appelle. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Ah, oui. Il faut absolument que vous refassiez des vols parce que on a déjà eu le fermier qui possède ce champ. Il va bientôt couper ses blés. Donc ouais. C'est une chance extraordinaire. Et là, on s'est dit, attends, on a fait une demi-heure de vol. Eh oui. On était là, certes, au bon endroit, au bon moment. Mais là, avec ce plan masse de cette villa gallo-romaine, qui aujourd'hui a été identifiée comme étant une des plus grosses connues en France, sur le site de Noyon. Il y a même une petite salle dans le musée de Noyon dédiée à cette villa, avec une maquette de la villa faite à partir des plans qui ont été levés depuis cette photographie. On s'aperçoit, voilà, une demi-heure de vol au bon endroit, au bon moment, on apporte du grain à moudre et de la connaissance très largement. Ouais, ouais. Il fait du changement de point de vue. D'autres aventures archéologiques suivront, et cette fois-ci plus lointaines. Vous allez aller, à l'occasion de ce grand tour du monde, vous allez aller jusqu'au Pérou, avec un site archéologique, le site archéologique de Caral. C'est un site qui abrite les vestiges de la plus ancienne cité jamais découverte sur le continent amérindien. Quelle mission vous avait-on confiée là-bas? Donc les plus anciens vestiges datent de 5000 ans, hein, je crois. Oui, Clémentine c'est ça. Bacry. C'est un site assez énorme qui est au nord-est de Lima, dans lequel il y a des pyramides. C'est vraiment quelque chose d'assez grand, et on était avec donc le centre archéologique du Pérou sur place, dirigé par Rousse Chadi, ouais, qui nous a demandé de cartographier la zone. Donc on avait un plan très précis des choses qui l'intéressaient, et en fait à côté de ce site là donc on a fait toutes les photos, on a même fait des modèles 3D de tout son site. On a découvert à côté, directement dans le désert, sur le sable, donc là il n'y avait pas de blé du tout, on a découvert des alignements de pierres qui formaient, ouais, des énormes dessins, donc quelque chose de très mystérieux. On s'est approché, on n'avait évidemment pas la moindre idée de ce que c'était, ni même de leur existence. Donc on les a photographiés, puis ouais, on est redescendu au sol. On leur a montré les photos et ils étaient comme des fous. Ils n'en avaient pas la moindre idée. Vous étiez, vous aussi, un peu comme des fous quand vous avez découvert ces dessins. La preuve en son, tout de suite. Moi, j'avais vu cet endroit-là que j'ai vu sur les photos. Mais là, il y en a partout, partout, partout. C'est gigantesque. Il y a des dessins, là. Attends. Mais si, il y a carrément un dessin. Là, là, là. C'est là, juste là, regarde. Mais oui, oui, mais là. Attends, prends le tout petit machin. Oui, le petit machin. Prends le petit machin en photo. Vous vivez des choses dont tout le monde rêve, quoi. On vous sent à bord de votre petit avion, qui est tout petit, on en parlera plus tard de votre avion, mais il est tout petit, il fait 300 kilos, tous les deux on vous imagine par la fenêtre en train de regarder ça, et vous découvrez là encore donc des géoglyphes, ces dessins imprimés dans le paysage par des civilisations qui datent de millénaires. Vous êtes les premiers à les observer, ces géoglyphes ? Eh bien oui, en fait... C'est un site qui a été découvert et qui a été étudié depuis 18 ans par les archéologues sur place. Mais en fait, des alignements de pierres, ça ressemble à rien depuis le sol. Il faut vraiment s'élever un petit peu pour s'apercevoir que ça représente vraiment des dessins. D'ailleurs, ça a été une grande difficulté parce qu'ensuite, il a fallu les retrouver depuis le sol. Sauf que depuis le sol, ce qu'on voit, c'est juste des collines de sable à perte de vue avec des cailloux éparpillés. Donc, ça a été un grand enjeu de les retrouver. Et lorsqu'on s'est aperçu avec les coordonnées GPS qu'on était vraiment... sur la zone pratiquement, en train de marcher dessus, on a tout d'un coup réalisé l'ampleur de la chose. Et alors, je crois, pour l'anecdote, que vous vous êtes rendu compte, parce que vous parliez un petit peu la langue sans l'avoir dit, et vous avez surpris des conversations de ces chercheurs qui vous avaient demandé d'observer. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors ça, c'est l'aspect non archéologique, mais plutôt sociologique de la recherche. Et peut-être même de l'humain, on va dire. Hein, quand on fait une belle découverte, on n'a pas envie de partager. Effectivement. Alors en fait, on avait instituer la relation avec les archéologues en anglais, puisqu'au début du voyage, on parlait anglais, sauf qu'entre-temps, ça faisait quelque temps qu'on était en Amérique latine, donc on commençait à comprendre un petit peu les bases de l'espagnol, mais on continuait à discuter avec eux en anglais. Et lorsqu'on leur a parlé des photos, on leur a montré en anglais, et on a assisté tout d'un coup, donc ils étaient trois, on a assisté tout d'un coup à une discussion entre les trois en espagnol, donc ils pensaient nous exclure, sauf qu'on a un peu compris, dans lequel ils étaient en train de se disputer pour savoir qui allait avoir l'origine de la découverte. Mmh. Et alors, il y a même eu la chef qui a dit, oh, mais c'est fantastique, mais avec ce genre de découverte, mais je peux même me retrouver au ministre de la culture, mais c'est incroyable. Donc nous, on comprenait pas trop ce qui se passait, ouais. et ensuite on leur a dit, mais attendez, on est là quand même. Et puis finalement, on s'est dit qu'après tout, c'était des histoires d'ego et que voilà, c'était leur sujet d'intérêt, leur site d'étude, et donc évidemment, on leur a montré. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. On verra bien. Ils n'ont toujours pas publié sur ce sujet-là, donc ils sont sans doute en train de chamailler la paternité alors qu'il est encore. Mais nous allons creuser ça. Vous ne serez pas associé à la découverte quoi qu'il arrive, ou peut-être. On verra bien. On verra bien, mais ouais. On verra bien, c'est pas ce qui compte. Adrien Normier et Clémentine Bacry nous emmènent à tire-d'aile dans leurs aventures, le temps d'un bivouac sur France Inter. Pour nous adresser vos messages, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr et la page Facebook du temps d'un bivouac. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul. Il fait peur, mon pays vit ma vie. crise. Toi t'es bien, tu méprises mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on prend de haut, comme on se sent de trop. On attend le Messie, il est là, tu vois pas. J'entends le bruit des potes, oui mais j'ai pas l'antidote. C'est le prix, tout est dit, et charrie, c'est plus l'heure. Revoici nos censeurs, faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. On est où? Plus chez nous. Ferme-la. Pour une fois, tu peux t'attendre au pire. Les attentats, les martyrs, qui dit vrai? Et après, faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. C'était Frère Animal, Vis ma vie dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Je commence à fatiguer un peu. Ça se rafraîchit en fait là. Eh bien, bienvenue sur Papandayan. Super impressionnant. Dans le cratère de Papandayan. On est dedans, imagine. Là, on est dans le cratère ? Eh oui. On a un accès ici, dans le bas, qui est complètement ouvert. Le volcan a fait une ouverture de ce côté-là et voilà, on est carrément dedans. Et là, ça fume de partout. Ça fume sur ce côté-là, en tout cas. Puis celle-là, donc il y a deux zones principales, donc ici et l'autre là-bas. Votre avion, il peut faire des trucs incroyables, j'ai bien compris. Donc il peut voler assez bas, assez comme assez haut, et l'idée c'était d'embarquer le spectromètre et le Doas et de voler sous le panache. Voilà. Et tu prêtes ? Je suis prêt. Tu entres ? Nous survolons à présent l'Indonésie avec nos deux invités, Clémentine Bacry et Adrien Normier, dont le livre « Routard du ciel » vient tout juste de sortir aux éditions Le Pommier. Alors, l'Indonésie, surnommée l'archipel aux 1000 volcans, pourquoi une si importante activité volcanique dans cette région du globe, Adrien ? On est sur le cercle de feu, à l'intersection de plaques tectoniques qui s'entrechoquent et qui génèrent des remontées de magma qui vont se traduire en surface par des îles volcaniques. C'est une échelle de temps géologique, mais aujourd'hui encore, je crois, l'année dernière, il y a une nouvelle île qui est apparue dans les Tonga. Donc ça ne s'arrête pas. En Indonésie, c'est pas vraiment les Tonga, c'est un peu loin, mais c'est bien sur ce cercle de feu. Et là, on avait une mission avec le CVGHM, ouais, l'Institut de volcanologie locale, qui nous demandait de faire un petit inventaire photographique de certains volcans qu'ils n'ont pas trop l'occasion d'étudier parce qu'ils sont loin des populations menacées. Eux se concentrent sur ceux qui menacent directement des grandes quantités d'habitants. Et Philipson, qu'on entend dans la petite vidéo, qu'on salue s'il écoute l'émission, nous a demandé en plus de faire un survol du Krakatoa, qui est un volcan actif qui n'était pas étudié parce qu'il y a tellement de volcans en Indonésie que les volcanologues sont obligés de se spécialiser sur certains des volcans, ils ne peuvent pas tous les étudier en parallèle. Et donc il nous a demandé d'effectuer des survols de certains volcans qui étaient peu étudiés, donc avec un capteur de dioxyde de soufre, parce qu'il se demandait s'ils étaient ou non émetteurs de dioxyde de soufre. Donc il a fallu équiper l'ULM, effectuer le survol, ce qui n'est pas simple, d'effectuer un survol avec un capteur au-dessus d'un volcan actif pour pouvoir capter le panache. Oui, oui, oui. C'est pour la visibilité, c'est pas simple ou parce que c'est risqué? Alors, la technologie, là, c'est en fait ce qu'on regarde, c'est l'absorption de la lumière du soleil par le panache. Donc en fait, nous faut que le capteur soit en dessous du panache et qu'on regarde le soleil avec ce capteur. Et ça nous permet d'avoir une estimation de l'épaisseur optique, en fait, sur une longueur d'onde particulière, qui est celle du dioxyde de soufre. Comme on traverse perpendiculairement au panache en dessous, on arrive à intégrer la quantité de SO2, dioxyde de soufre. Et ensuite, avec une estimation du vent qu'on fait, on arrive à estimer le débit de dioxyde de soufre qui est émis par le volcan. Voilà. Souvent, les volcanologues vont faire ça avec une voiture quand il y a une route ou avec un bateau. Là, le Krakatoa, Anak Krakatoa, en fait, qui est une nouvelle île qui est sortie de l'eau au début du siècle, au centre du volcan Krakatoa qui a explosé au 18e, eh bien, il est très difficile d'accès, il est loin. Ouais. Donc là, le petit avion, il fallait qu'on puisse l'emmener en dessous de ce panache, avec toute une question de planification, avec du beau temps, pas trop de vent, parce que comme on doit passer sous le panache, c'est aussi sous le vent du volcan qui, lui, va générer des turbulences. Et aussi avec des questions de sécurité, puisqu'il faut être suffisamment loin du panache, dans lequel il y a également des poussières, une grande quantité de gaz carbonique, et des conditions qui sont ni géniales pour l'avion, ni pour l'équipage. Ouais. Voilà. En l'occurrence, vous, on est d'accord, vous êtes seul à bord de ce petit avion. Ah oui, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre, pas pour un scientifique. Déjà là, il fallait prendre l'instrument. Alors, réponse à cette question qu'on vous avait missionné pour répondre à cette question, est-ce que le Krakatoa met dans l'atmosphère du dioxyde de soufre, oui ou non? Eh bien, la réponse est oui. Et en quoi est-ce important de le savoir ou en quoi est-ce une surprise pour les scientifiques? Eh bien, c'est une surprise parce que le dioxyde de soufre est un prélude au nuage. En fait, le dioxyde de soufre renvoie dans l'espace une partie des radiations solaires, ce qui réduit la température de surface de toute la planète, ce qui a donc un impact directement sur l'effet de serre et sur le changement climatique. Mmh. Ça, c'est pour l'aspect positif. Ça réduit, en fait, cet impact du changement climatique. Mais l'aspect plus négatif, c'est qu'en fait, ça se mélange aux gouttelettes des nuages, ça retombe sur le sol en pluie acide, ce qui, là, est très mauvais pour les bâtiments et pour la planète. Donc c'était important de le savoir et je crois que là aussi il y a eu un article scientifique qui, depuis votre mission, a été publié sur les émissions du Krakatoa. Tout à fait. Publication avec Philippe Sonbani en premier auteur et voilà. Puis nous quelque part dans la liste aussi. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'entre le premier livre Un tour du monde pas comme les autres et celui-ci, eh bien, celui-ci Routard du ciel, entre les deux livres, eh bien, il y a eu des publications qui sont sorties parce qu'en fait, entre le moment où on récupère les données scientifiques et le moment où les scientifiques les analysent et les publient, il y a un vrai temps d'écart puisqu'il y a en général des données qui demandent beaucoup de travail derrière. Alors vous avez aussi participé à des missions pour étudier les animaux, pas forcément grâce à votre avion d'ailleurs, mais en utilisant du matériel que vous aviez apporté avec vous. C'est le cas pour ces manchots pygmées, très mignons, qu'on le trouve en Australie, et je crois uniquement là-bas. D'ailleurs, c'est une espèce qu'on trouve uniquement sur place. En quoi vous avez été utile aux scientifiques qui travaillaient sur ces manchots pygmées? Déjà, on peut décrire ce petit manchot, peut-être. C'est vrai que c'est des animaux vraiment, vraiment adorables. Ouais, moi, j'ai complètement craqué. Donc, les manchots pygmées sont tout, tout petits. Et en fait, ils se déplacent comme les petits bébés humains. Vous savez, ceux qui arrivent à déplacer leurs jambes sans plier les genoux. C'est des petits animaux qui ont pas de genoux, si on peut dire ça. Et du coup, ils se déplacent en dandinant comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment adorable. C'est tout petit et en fait ça vit dans l'eau, mais ça dort la nuit sur la terre. Et donc en fait, à la tombée de la nuit, on les voit sortir de l'eau et rejoindre leur petit nid. Bon, alors les manchots pygmées ont des genoux, hein. Mais... C'est une bonne question. Mais on les voit pas. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont intéressants à étudier parce que ils sont en bout de chaîne alimentaire. Et du coup, la moindre modification du biotope se répercute sur leurs conditions physiques, la quantité de poissons qu'ils ramènent. Pour les étudier, là, on a donné un petit coup de main, très humble, à André Chiarada, un scientifique de la station de recherche de Phillip Island, qui, tous les jours, va peser chacun des pingouins qui rentrent de sa pêche quotidienne afin de savoir comment ils s'alimentent et quelle est la quantité de poissons qu'il ramène à ses petits, qui sont dans le nid et que les parents vont nourrir. Donc il les pèse en les faisant passer par un parcours sans vraiment les attraper, il les fait passer sur une balance, et il a fait un petit dispositif pour qu'ils passent sur cette balance. Exactement, alors c'est un petit pont qui va peser les pingouins qui passent sur ce pont. Il était très embêté parce que certains des résultats de ce pont étaient assez incohérents, il ne comprenait pas pourquoi, et le problème c'est que quand il cherchait à savoir ce qui se passait, il fallait qu'il allume la lumière, et ça perturbe les pingouins qui du coup ne passaient plus sur le pont. Et on s'est aperçu en discutant avec lui qu'une des options de la caméra qu'on utilise pour les petits films qui sont sur le site, eh bien, une des options de cette caméra, c'est un mode infrarouge. Donc on a un petit phare infrarouge. Il est allé chercher dans la bibliographie pour vérifier que le pingouin n'était pas effrayé par, par la lumière infrarouge. Et du coup, avec cette caméra, on a pu voir ce qui se passait. Vous avez pu les épier et savoir ce qu'ils faisaient, pourquoi des fois les résultats étaient incohérents. Ils montaient à plusieurs sur la balance, qu'est-ce qui se passait alors? Des collisions avec des oiseaux qui prenaient le pont en sens inverse, des pingouins qui tombent du pont, des pingouins qui se coincent. Ouais. Enfin, en fait, c'est un peu une sorte de bêtisier que vous avez offert à ce scientifique de son expérience scientifique. Alors des fois, vous alliez aussi sur le terrain pour... c'était plus pour aider que vraiment pour la recherche scientifique. Je pense notamment, là, on retourne au Chili où... Il y a un manque cruel d'eau, on n'est pas loin de Santiago. On peut d'ailleurs écouter un des habitants que vous avez interviewé qui explique à quel point l'eau est une denrée rare là-bas. Un camion municipal vient tous les 15 jours depuis la ville d'Aljibe pour apporter 1000 litres d'eau à toute la communauté. Ici, il y a à peu près 10-12 maisons et on doit survivre avec ces 1000 litres. On doit à la fois boire, se laver, cuisiner. On doit vraiment se rationner car on ne peut pas avoir une goutte de plus. Alors, on s'en rend compte, l'eau manque au Chili. Alors, une association a décidé, ce sont des opérations aussi poétiques qu'utiles, de capter, d'emprisonner les nuages, le brouillard, grâce à des filets. Et on récolte des litres et des litres d'eau douce, jusqu'à 25 litres d'eau douce,